sera un tremplin pour votre carrière en communication. Une formation offerte en soirée et en ligne. Pas besoin de quitter son emploi de jour. Visitez manouvellecarrière.com. Ça va changer votre vie. Amateurs d'art et de belle nature, l'happening de peinture de Tadoussac est là pour vous. Du 8 au 10 septembre, une cinquantaine d'artistes performeront en direct un peu partout dans le village de Tadoussac. Venez partager leur passion et participer au souper en camp du samedi soir. Détails sur Facebook. Ce soir, à l'aérospatiale, un retour sur les Jeux de la francophonie avec les artistes Andréanne Gagnon et Julie Picard, un entretien avec Gabriel Boucher et Patrick Dubé du lieu et un survol de la rentrée artistique 2017. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Audrey Caro à l'animation, toujours avec vous pour une troisième année consécutive. Il faut souligner, à l'Aérospatiale, c'est une émission de longue date à CKRL et nous sommes vraiment très heureux de revenir encore une fois au bout de, je pense, près de 13 ans maintenant, cette émission qui perdure. Et je suis très heureuse d'être encore parmi vous pour cette nouvelle saison, donc 2017-2018. Merci beaucoup encore une fois à CKRL de croire en la puissance des arts visuels à la radio, bien sûr. Peut-être pour nos nouveaux auditeurs qui n'ont jamais écouté cette émission, vous dire rapidement ce que c'est l'aérospatiale. C'est un magazine, oui, sur les arts visuels, mais on touche également aux métiers d'art. On parle aussi d'art multidisciplinaire. On touche même également à la bijouterie contemporaine qui est parfois traitée de façon qui flirte, si on peut dire, même très, très près des arts visuels dans son approche, dans la démarche aussi des artistes. Donc, on va vraiment explorer les arts visuels sous toutes ses formes, que ce soit aussi par la couverture d'expositions, d'événements, l'art public aussi dans la ville, mais on peut traiter des arts visuels également par la littérature, le théâtre, lorsque on a des présentations qui s'y prêtent ici à Québec, parce que bien sûr, c'est relativement à ce qui se passe ici dans la ville de Québec, mais dans les alentours également. Donc, une émission où, bien sûr, vous êtes invités, autant connaisseurs que néophytes, à vous intéresser parce qu'on rencontre les artistes, on discute avec eux et on leur donne la parole pour que vous puissiez bien comprendre leur travail, les réalités aussi de ces artistes-là. On couvre également des sujets d'actualité aussi qui touchent la réalité autant des artistes, des centres artistiques, des galeries, des musées ici de la ville, mais également les actualités toutes chaudes qu'on vous fait de temps en temps, qu'on vous relate au travers d'une brève revue de presse à l'occasion. Bref, faut le dire, c'est la référence en art visuel. Soyons chauvins ici quand même, mais disons-le, c'est la référence pour tout ce qui se passe en art visuel à Québec. Donc, les mardi à 17h30. On va entendre, bien sûr, aussi en ma compagnie, des collaborateurs, des collaboratrices, je vous dirais beaucoup aussi, qui font partie du milieu artistique, que ce soit des artistes, mais aussi des historiens de l'art, des jeunes historiens de l'art également, et d'autres plus chevronnés qui vont venir à ce micro vous parler justement de sujets artistiques toujours avec passion, hein, parce que c'est ça, c'est ce qui nous anime ici dans cette émission. Vous allez entendre d'anciens collaborateurs, mais aussi de nouvelles voix qui se joignent à notre équipe cette année. Également, Chantiane La France, qui est ma co-animatrice de cette émission, bien sûr, prise par le travail à Matane pour l'automne, mais elle sera avec nous cet hiver, justement, aussi. Alors, vraiment une saison que je vous dirais que je souhaite remplie de découvertes, autant pour moi, mais aussi pour vous, chers auditeurs. Et n'hésitez pas également aussi à nous écrire, que ce soit à notre adresse courriel que vous pouvez trouver directement sur notre page web, l'aérospatialecrl.wordpress.com, mais également, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, page Facebook, mais aussi Instagram. On vous met des fois un peu des images de ce qui se passe dans les studios lors de nos émissions. Alors voilà, pour aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse en cette première émission de l'année? Eh bien, on fait en première partie d'émission un retour sur les Jeux de la francophonie qui ont lieu cet été du 21 au 30 juillet. Et avec, on le fait avec Andréane Gagnon qui a participé avec cette édition aussi avec la cohorte de cette année. Mais on a aussi Julie Picard qui sera avec nous en studio pour relater sa participation, mais elle qui a été en 2009 et qui se passait à Beyrouth. Donc, au Liban. On va voir un peu, ça va nous permettre de voir à la fois l'expérience plus contemporaine et l'autre qui a pris avec un peu de recul, justement, va nous permettre de voir qu'est-ce que ça représente aussi, ces jeux-là, dans le parcours d'un artiste, qu'est-ce que c'est aussi comme expérience qu'on vit, hein, parce que l'aspect compétitif aussi, j'ai bien hâte de discuter ça avec nos invités tout à l'heure. Et en deuxième moitié d'émission, bien, on va discuter avec Gabriel Boucher, l'artiste qui présente Confronter l'ordinaire, l'exposition qui va ouvrir la programmation du lieu, donc sur la rue du Pont ici. On va la recevoir pour parler de ce qu'elle nous prépare, mais aussi on va avoir avec elle Patrick Dubé, le coordonnateur aux communications du lieu, qui va venir aussi également nous présenter la programmation automnale de ce centre artistique qui, il faut le dire, est une institution ici à Québec. Et bien sûr, je vais me permettre en cette première émission de vous faire aussi un survol de ce qui se passe cette semaine, parce qu'on a une grosse rentrée artistique comme toujours en début septembre. C'est là qu'on sort un peu de la léthargie là, des centres et des galeries ou bien même des musées. Et on va justement aborder qu'est-ce qui va se passer dans cette semaine, hein, parce que plusieurs expositions ouvrent ce vendredi. Alors, préparez votre calepin et votre crayon, justement, ou sinon, vous pourrez toujours nous réécouter en balado-diffusion, bien sûr, aussi, si vous avez manqué quelque chose. Et comme à chaque année, on a notre collaborateur Simon Roy, donc qui fait toujours notre sélection musicale, hein, bien sûr, ses petites pauses, où il nous fait découvrir des artistes de partout à travers le monde et des artistes dont on connaît moins, mais qui ont une démarche assez intéressante sur le plan musical. Donc, on va découvrir aujourd'hui des extraits donc, de l'artiste Radj, qui est un artiste qui nous provient de la Bulgarie. C'est des extraits d'un album intitulé 8 Tracks. C'est un EP. Et ça vient tout juste de sortir, donc c'est tout chaud. C'est sorti hier même, à vrai dire. C'est sous une étiquette que Simon Roy affectionne particulièrement, Dusted Wax Kingdom. Et on s'en va écouter donc un premier extrait. Vous allez voir, musique électronique, hip-hop, bref, pour les habitués de l'émission, c'est dans la veine de Simon Roy. Il y a une très belle pochette, faut-il le dire aussi, cet album assez minimaliste avec des bandes bleues et blanches en suspension sur un fond gris. Bref, on s'en va écouter un premier extrait. Was do. Я торчал в саду, и делать мне было нечего, как вдруг ко мне пришел Альцес и спрашивает меня, что я делаю. Я отвечаю, ничего. Когда Альцес мне говорит, идем со мной. У меня есть кое-что тебе показать. Вот будет весело. Конечно, я сразу пошел за Альцестом, и нам обоим стало весело. спрячемся где-нибудь и спокойно покурим. On débute cette émission justement pour vous parler autour des Jeux de la francophonie qui ont eu lieu cet été. Hein. On va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est les Jeux de la francophonie parce que c'est pas quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais c'est un peu, on pourrait dire, des Olympiques artistiques, mais aussi sportives, hein, où art et sport se mélangent. Et c'est au travers, donc, bien sûr, toute la francophonie au travers le monde. Donc, ça regroupe quand même un peu plus de 3000 artistes et athlètes, faut-il le souligner, hein, quand même, c'est très, très gros comme événement. Et on va justement en discuter avec deux artistes qui, une l'a pris part cette année. Andréanne Gagnon est au bout du fil. Bonsoir, Andréanne. Bonsoir, Audrey. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, très bien, merci. Et on a en studio Julie Picard. Bonsoir, Julie. Bonjour. Alors, Julie, toi, tu as fait, pas cette année, mais tu étais là en 2009, donc lorsque les Jeux avaient lieu à Beyrouth, au Liban, je pense. Oui, tout à fait. C'était la 6e édition des Jeux de la francophonie, donc à Beyrouth en 2009. Et on vient de terminer la 8e édition avec Andréanne. À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, exactement. Eh bien, peut-être on va y aller d'entrée de jeu aussi pour, peut-être avec Andréanne, hein, vu que l'expérience est toute fraîche. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir participer au jeu de la francophonie? Est-ce que tu as appliqué? Il y a un appel? Comment ça fonctionne pour un artiste, justement, pour participer à ces jeux? Oui, en fait, le processus a commencé l'an passé, en 2016, puis j'ai entendu parler des Jeux de la francophonie un peu à l'hiver. Je connaissais, bon, un peu ce que c'était, mais pas complètement, pas concrètement. Puis j'ai répondu à l'appel, en fait, avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, qui s'occupe vraiment, là, de tout ce qui est concours culturel en lien avec le Québec. Et finalement, ben j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour représenter le Québec en photographie. Justement, là, aux Jeux qui ont eu lieu au mois de juillet à Abidjan, Côte d'Ivoire. Oui, et Julie, dans le fond, on a mentionné que c'est une compétition des arts, mais il y a vraiment plusieurs épreuves culturelles là, qui font partie de ces Jeux-là. Oui, tout à fait. Cette année, pour la 8e édition, il y avait 12 disciplines mm-hmm. culturelles. Et quand moi j'étais là, il y en avait... Je pense que 3 ou 4, hein, me semble. Peut-être 6 ou 7 de mémoire. Mais quand même, quasiment le double. Mais là. Il se rajoute effectivement des disciplines à chaque édition des jeux qui ont lieu à tous les 4 ans mm-hmm. dans l'année post-olympique. Donc, il y a des nouvelles disciplines qui émergent cette année. Il y avait la création numérique, entre autres. Oui. Qui était bien représenté par le Québec. Oui, je pense que c'est d'ailleurs mérité la médaille d'or. C'est notre médaille, oui. Tout à fait. Hugues Clément a remporté le bronze en création numérique. Ah, le bronze, oui. Donc, c'est vraiment une grande fierté là, pour la délégation du Québec. C'était vraiment notre médaillé. On est bien fiers de lui, oui. Oui, et en plus de la création numérique qui était toute nouvelle, il faut quand même dire, il y a la chanson, la danse, la sculpture installation, peinture, photographie, à laquelle tu étais une représentante, Andréane, le conte, oui. Littérature, marionnettes géantes, jonglerie, développement durable, bref, c'est quand même assez intéressant tout ça, ces disciplines-là qui se retrouvent là-bas. Et Julie, toi, qu'est-ce qui t'avait amené à participer à l'époque? Exactement comme Andréane. Donc, j'ai soumis un dossier. Il y avait un appel à candidature lancé par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ. J'ai soumis mon dossier en sculpture, mm-hmm. Car on doit déterminer une discipline dans laquelle on souhaite participer. Et voilà, j'ai été sélectionnée par le CALQ pour représenter la sculpture pour l'équipe Québec. Il faut dire que chaque État membre de l'Organisation internationale de la francophonie a des représentants de chaque discipline. Et ici, au Canada, un fait particulier, c'est que au Canada, il y a donc 3 délégations différentes. Il y a donc l'équipe Québec, mm-hmm. à laquelle Andréane et moi-même avons participé. Il y a le Canada en tant que tel, en tant que délégation, mais également le Nouveau-Brunswick. Donc, c'est intéressant, c'est comme 3 entités à l'intérieur du même pays aussi. Qu'est-ce qui a amené à ce que ça se... pas se scindre, mais qu'on ait ces petits groupuscules à l'intérieur de l'identité canadienne? En fait, pour être membre de l'Organisation internationale de la francophonie, les États-gouvernements peuvent devenir membres. En fait, il y a plus de 80 États membres de l'OIF, l'Organisation mmh. internationale de la francophonie, et les États et gouvernements peuvent prendre part à l'OIF, et le Québec, en tant que gouvernement, fait partie de l'OIF au même titre que le Canada et le Nouveau-Brunswick. Oui, je comprends. On pourrait peut-être y aller vers l'expérience qu'il y a là-bas. Il y a le fait que ça se passe en français, hein, j'imagine. Est-ce que c'était principalement, oui, en français, mais je pense qu'il y avait eu une petite controverse avec l'aspect anglophone, Andréane, cette année. Ça se peut-tu? Oui, au sens où, en effet, là, les gens qui participent au jeu parlent habituellement français. C'est sûr qu'en cette année, on a remarqué justement qu'il y avait quand même la présence de l'anglais, puis qu'à un certain point, bon, certaines personnes, justement, avaient plutôt recours à cette langue-là. Mm-hmm. Par contre, les gens qui parlaient anglais habituellement étaient quand même capables de converser en français, ou du moins, il pouvait y avoir quand même une relation. Puis je dirais que c'était pas la majorité des candidatures, en fait, là, que ça concernait. Mais en effet, on a soulevé ce point-là parce que c'est quelque chose qu'on a remarqué rapidement. Et je trouve que la force des Jeux de la francophonie, c'est vraiment l'idée de se rallier, puis qu'il n'y ait justement aucune barrière de langue, puis que l'échange puisse être évident. Parce que déjà, dans la rencontre, il y a quelque chose qui est culturel. Puis déjà là, c'est intéressant de voir... peut nous rassembler dans la discipline, mais aussi ce qui est différent en fonction de notre contexte, d'où on vient, où on habite, qu'est-ce qu'on vit au quotidien. Mm-hmm. Donc, je trouve que justement, les Jeux de la francophonie, ça dit bien, c'est vraiment de célébrer aussi cette langue-là. Ouais. Exactement. Oui. Et dans le fond, est-ce que ça doit être quand même particulier aussi, un contexte entièrement où on crée, mais on est en compagnie de francophones, normalement, ou principalement de francophones, alors que souvent, les artistes, leur réalité en résidence, on s'en va dans un autre pays, une autre langue. Ça doit être particulier, ça aussi, d'être entouré de francophones. Oui, tout à fait. Puis, il y a quelque chose de particulier là-dedans parce que c'est vrai qu'habituellement, en contexte de résidence, on peut justement être en lien avec, des gens qui parlent une autre langue. Ce que j'ai trouvé intéressant, particulièrement en participant au jeu d'Abidjan, c'est qu'il y avait, une facilité dans la communication, mais il y avait quelque chose quand même de tout particulier dans le contexte. L'espace-temps ivoirien est vraiment différent de celui qu'on connaît ici au Québec, au Canada. Mmh. Et déjà là, c'était intéressant pour la création. Pour moi, c'était déjà un aspect très différent des contextes que j'ai pu justement travailler ou élaborer des projets. Une chance, en effet, qu'il y avait quand même la langue qui nous permettait d'avoir cet accès-là un peu plus facile, mais je trouve qu'au niveau du contexte en Côte d'Ivoire, ça a été vraiment intéressant parce qu'au niveau de la création, moi, ça a vraiment changé mes plans et c'est quelque chose d'heureux parce que ça a amené à un projet qui n'aurait peut-être pas vu le jour dans un autre contexte. Intéressant. Et puis toi, Julie, pour ta part? Oui, l'édition à laquelle j'ai participé en 2009, c'était à Beyrouth. Mm-hmm. Donc, 2009, pour remettre en contexte, on était 3 années seulement après le dernier conflit israélo-libanais. On était en reconstruction. Alors, le campus universitaire dans lequel on logeait et où avaient lieu les Jeux était tout neuf, venait d'être reconstruit. Mm-hmm. C'était quand même particulier. Et effectivement, donc on est un peu plongé dans un contexte social, culturel, et c'est vraiment par le biais de le partage de cette langue qu'on partage tous ensemble, qui nous rallie et qui, justement, nous permet de comme Andréane l'a bien dit, au-delà de la discipline artistique, en plus, c'est qu'on peut discuter d'art et de nos réalités avec tous les autres sculpteurs et dans mon cas, on était en atelier collectif par discipline. Donc, c'était très intéressant de voir et de partager sur nos réalités respectives. Oui. Bien, justement, ce dernier commentaire m'amène à rebondir, Julie, parce que c'est quoi le contexte de travail pour un artiste dans un aspect compétitif? Là, je soulignais ici que c'était cette année du 21 juillet au 30 juillet, donc on parle à peine de 7-8 jours, là, ici. Ça doit être quand même intense. On ne peut pas arriver tout simplement avec aucun projet en tête, puis pouf, on se lance. C'est quoi le contexte de création dans si peu de temps? Tout à fait. Mon expérience et celle d'Andréane est très similaire, c'est-à-dire que lors de la sélection par le calque, on soumet une œuvre. Mm-hmm. Donc, c'est un projet et c'est l'œuvre en compétition. Donc, cette œuvre est acheminée, elle est livrée par bateau. Hein? Okay. Elle se rend même avant nous dans le pays hôte des Jeux de la francophonie. Et cette œuvre, dans mon cas, sculpture-installation ou photographie, est exposée dans une exposition collective et c'est l'œuvre qui sera en compétition. Okay. Dans un deuxième temps, les artistes de chaque discipline sont appelés à faire une création. Et on est vraiment plutôt dans un contexte qui s'apparente à une résidence de création collective. Mm-hmm. Donc, on est en atelier collectif et on crée un projet qui est l'œuvre que les Jeux de la francophonie appellent l'œuvre fraîche. L'œuvre fraîche. Donc, et ces œuvres fraîches-là qui auront été créées sur place pendant la durée des Jeux, donc à peu près une semaine, est exposée au public lors d'un vernissage collectif à la fin. OK, intéressant. C'est similaire pour toi, Andréane, aussi, j'imagine? Oui, c'est similaire au sens où on avait justement cette première œuvre-là qui était sélectionnée par le jury, qui était acheminée en Côte d'Ivoire bien avant nous. En ce qui concerne les activités en atelier, ça s'est passé un peu différemment de notre côté. On a eu un peu moins de temps. Je dirais que ça s'est plutôt produit en 3-4 jours. Et les autres journées étaient consacrées dans mon cas en photographie à des visites. On est allé visiter différents lieux. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on était une trentaine d'artistes, de photographes avec des pratiques très différentes. Donc, pour certains, par exemple, des photographes qui font plutôt du documentaire ou du photojournalisme, ces sorties-là étaient bénéfiques justement pour la création des œuvres. Dans mon cas, ça s'est passé plutôt en atelier parce que j'ai une pratique plutôt plastique, là, photographiquement parlant. Mais reste que ces sorties-là étaient extrêmement enrichissantes pour les rencontres qu'on a faites. Puis moi, ça a teinté quand même ma création en atelier par la suite. Oui. Je me demandais, ça reste quand même une compétition. C'est quelque chose qu'on est plus ou moins, en tout cas, familier, si on peut dire, avec le milieu des arts visuels, où, on présente, il y a de la critique, mais là, c'est vraiment une compétition au sens propre là, de la chose. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il y a un sentiment de compétitivité avec les autres artistes? Ouais. Bien, c'est une très bonne question, en effet, parce que c'est en effet un contexte de compétition. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment des valeurs de solidarité à la base de cet événement-là. C'est quelque chose que pour ma part, j'ai senti tout de suite. Pour moi, la grande force aussi de cet événement-là, c'est la rencontre avec l'autre. Et je trouve que vraiment, chaque participant, c'est sûr que la compétition se faisait sentir peut-être un peu plus chez certains participants, mais globalement, je dirais qu'on était très solidaires et que c'est surtout la rencontre qui a été enrichissante. Et par exemple, en photographie, moi, j'étais très contente. J'ai Annie-France Noël, en fait, une amie du Nouveau-Brunswick qui a remporté le bronze. Puis on était tous très contents pour justement les trois médailles dans notre discipline. Donc, je trouve qu'il y a quand même plus cette solidarité-là qui ressort. Mais c'est quand même un contexte auquel on n'est pas habitué en tant qu'artiste. Les podiums, les médailles. Oui. Il y avait quelque chose de rafraîchissant, par contre, moi, derrière ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Un petit peu de nervosité aussi, oui. Hein, j'imagine, quand on annonce les gagnants. Ah oui, totalement. Quand on voit le drapeau se lever, ouais, c'est ça. Oui, exactement. C'est particulier, comme Andréane l'a bien mentionné. C'est le quand on questionne, à chaque fois que j'ai été questionnée mm-hmm. sur cet aspect-là, la compétition et le fait de partager le même podium que toutes les équipes sportives, c'est vraiment cette idée de rencontre. C'est vraiment le mot-clé qui ressort. Ouais, oui. C'est vraiment, les artistes n'ont pas la même approche. C'est normal parce que ça ne fait pas partie d'un circuit établi. Ou à l'instar des sportifs, ils ont à faire une série de compétitions internationales à travers un réseau. Donc nous, on vient s'insérer dans ce réseau-là et on partage exactement le même podium, ce sont les mêmes médailles, le même protocole de la compétition, mais dans les disciplines sportives. Soit dit en passant, à l'époque de l'Antiquité, les Jeux olympiques et les compétitions interurbaines et tout, il y avait des compétitions culturelles également de savoir-faire et tout ça. Donc, ça s'inscrit dans une longue tradition. Pour nous, maintenant, à notre époque, ça peut sembler un peu particulier, même antinomique. On trouve particulier cette idée d'artiste, de compétition. Mais je trouve que les artistes apprennent quand même dans ce contexte-là. Et c'est un contexte qui est à questionner également. Et pour ma part, ça a beaucoup aussi amené une réflexion sur le protocole des médailles, la valeur matérielle des choses. Oui. Ce sont des enjeux et des notions que je questionne dans mon travail de sculpteur en plus. Et l'ironie là-dedans, ou ce qui est fabuleux, ou en tout cas, tant mieux, je suis revenue avec la médaille d'or, ce qui n'était pas du tout attendu de ma part. C'était une très grande surprise d'arriver et de remporter cette médaille. Et donc, d'avoir vécu cette expérience-là jusqu'à la dernière marche du podium et revenir avec la médaille au cou, c'est à la fois une très grande fierté, évidemment. Je représentais l'équipe Québec et tout. Mais c'est aussi un très, très grand questionnement sur l'effet de jouer le jeu. De la compétition et tout ce qui va autour avec aussi. Jouer le jeu des Jeux de la francophonie, oui, exact. Voilà. Très rapidement, parce que on a presque atteint notre temps, je voulais juste savoir rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que tu retires, toi, Julie, de cette expérience-là? Est-ce qu'il y a des retombées? À quoi on peut s'attendre quand on fait une expérience comme celle-là? Pour ma part, les Jeux, d'abord, s'adressent aux 35 ans et moins. Donc, c'est vraiment une expérience qui s'inscrit dans un cheminement là, de carrière avec toutes les multiples programmes de 35 ans et moins. Ça en fait partie. Donc, ça a été une expérience à l'international. Donc, de découvrir qu'il existe un réseau francophone, un réseau de diffusion, un réseau de créateurs, partout à travers le monde, de découvrir qu'il y avait 80 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est un monde qui s'ouvre. Oui. Pour ma part, ça m'a amené à diffuser mon travail dans ce réseau francophone, notamment en Suisse, en Belgique et en France, et d'y retourner régulièrement. Donc, j'expose encore cet automne une pièce dans une triennale en Suisse. Donc, pour moi, ça a ouvert cette porte-là dans ma carrière. Au niveau personnel, ça a été vraiment de découvrir tout ce monde international, découvrir des gens aussi, des artistes avec qui j'ai gardé contact après toutes ces années. d'avoir de les avoir rencontrés à nouveau dans d'autres contextes, c'est fantastique. Oui. Andréane, en quelques mots. Oui, ben c'est assez similaire en fait à Julie. C'est sûr que pour moi, les Jeux de la francophonie, c'était une première expérience à l'international, professionnellement parlant. Donc nécessairement, ça marque l'esprit. Ça m'a permis également de me faire beaucoup de contacts, encore une fois, à l'international. Aussi de rencontrer des artistes du Québec et du Canada avec qui, justement, j'ai un peu fusionné parce que c'est 10 jours très intenses. Puis avec qui, justement, j'ai garde contact et je revois depuis notre retour, justement, là, au Québec. Donc c'est vraiment, je pense que la force de ces jeux-là, c'est vraiment la rencontre, puis de créer des liens là, à l'international comme au Canada. Excellent. Ben merci beaucoup, mesdames, d'être venues nous parler de cet événement dont on connaissait très peu, comme on le soulignait en d'entrée de jeu. Et bien, on vous souhaite aussi bonne continuation et que ces liens, ces rencontres aussi que vous avez faites au cours de l'événement perdurent encore longtemps, bien sûr. Merci. Rendez-vous dans 2021. Oui, 2021 à Moncton. Ben oui, c'est vrai. Nouveau-Brunswick. Oui, plus proche de nous, alors ce sera une belle occasion de les découvrir. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Et nous, on s'en va en pause publicitaire et on revient pour la deuxième moitié de l'émission. 89.1. Une nouvelle édition de la revue Planche est maintenant disponible. Sous la couverture réalisée par François Lapierre, le corps et l'introspection sont au cœur de ce nouveau numéro, avec des récits de Richard Suicide, Guillaume Panchina, en plus d'un dossier spécial sur les dessins érotiques inédits de Jean-Louis Tripp. Aussi à lire la chronique Bouffe de Cyril Doineau, les dessous de la création d'Alexandre Fontaine-Rousseau et bien plus. Planche, disponible en ligne sur revueplanche.com et en librairie. Le 7e art est à l'honneur durant une heure, tous les mardis, 18h30, en direct de la ligne Quasi, au 811 rue Saint-Jean. Ici Pierre Blais. Toute l'équipe de Situation Critique vous y attend chaque semaine pour discuter de cinéma avec des critiques et des entrevues au menu. C'est un rendez-vous. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec, Salle Albert Rousseau, l'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Et on poursuit l'aérospatiale, votre magazine en art visuel sur les ondes de CKRL. Et je suis en compagnie, cette fois-ci, de Gabrielle Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Et Patrick Dubé, bonsoir. Allô. Alors, vous êtes ici pour nous parler de cette exposition, mais aussi de la programmation de Optomnal du lieu, Centre en art actuel, qu'on peut trouver ici, pas très loin de CKRL, à vrai dire. Et Gabrielle, tu as été, je pense, invitée, c'est ça, à ouvrir la programmation cette année? Hein? Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça. C'est Julie Andreté qui avait vu mon exposition à Alma. Puis, je pense qu'elle a présenté mon dossier. Puis, il y a eu consensus. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tu présentes une exposition qui s'intitule « Confondre l'ordinaire ». Là, il faut le dire tout de suite à nos auditeurs. J'ai eu l'occasion de la voir en montage tout à l'heure. Mais là, On va essayer de vous en parler, mais sans trop vous en révéler, parce que c'est quand même une expérience, il faut le dire, que oui. tu invites, parce que c'est une installation, tu as transformé le lieu. Vraiment, là, quand on dit transformer, c'est physiquement le lieu. Et voilà, peut-être on pourrait y aller sur ce magnifique titre, « Confondre l'ordinaire », parce que ça se rattache à ta pratique aussi artistique qui est beaucoup autour de l'objet, hein, mm-hmm. si on peut le dire oui. comme ça, de l'objet, mais qui se présente, j'ai trouvé comme un personnage souvent, comme vraiment il y a quelque chose de fantaisiste, d'imaginaire, bref, tu nous amènes dans un monde littéralement et peut-être tu peux nous parler un peu plus justement de cette approche autour de l'objet pour toi dans ton travail. Okay. Oui, mais dans le fond, confondre l'ordinaire, l'idée est un peu de mêler les repères du visiteur. Tu sais, j'utilise des objets de tous les jours, des objets accoutumés, des objets presque oubliés. Mm-hmm. L'objectif c'était de leur donner une valeur renouvelée, de détourner leur fonction, leur signification pour les voir autrement, leur donner une nouvelle perspective, les faire parler. C'est ça, en animant les objets, ben, c'est une des façons dont j'ai utilisé. Des fois, j'ai utilisé des objets, j'ai surexploité des objets. Je l'ai fait de différentes façons, mais c'est sûr, c'est beaucoup en découvrant des pièces, en entrant dans l'espace qu'on est amené à découvrir ça, en fait. Oui. Et comment dire, on parle d'expérience, mais il faut dire que dans cette installation-là, il faut que le spectateur soit curieux. Il mm-hmm. faut vraiment être observateur et curieux, parce que sinon, ça se peut qu'on manque quelque chose, je pense. Est-ce que c'est important pour toi de faire participer les gens dans ton travail, justement, à l'amener à être actif, parce que c'est le spectateur est un point important, justement, dans tes installations. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est la première fois que je fais autant, j'incite autant le visiteur, là, mm-hmm. dans mes œuvres, là. Moi, en fait, c'est quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, ah, c'est au lieu, je pense que j'en profite, go, je fais une installation, vraiment, que les gens peuvent entrer à l'intérieur, oui. Mm-hmm. Puis, c'est ça, comme j'expliquais, je suis partie de 4 degrés, où est-ce que, 4 degrés, c'est ça, c'est l'œuvre, où est-ce que c'est un réfrigérateur, quoi. On entre à l'intérieur, puis on se retrouve devant des portes. Donc, en fait, mon objectif, c'était de faire découvrir un peu l'idée de qu'est-ce qui se passe derrière ces portes-là, mm-hmm. que je ne dirai pas tout de suite, que mm-hmm. je vais inviter les gens à venir voir, mais c'est parti de là. Puis, je suis toujours dans l'idée de créer des images poétiques, en fait, mm-hmm. à partir d'objets industriels de tous les jours, comme j'expliquais. Et tes objets, tu les choisis de quelle façon? C'est parce qu'ils t'inspirent, ils te parlent, ou tout simplement il y a une idée qui vient comme ça quand tu te promènes dans les Emmaüs de ce monde? Oui, et oui, j'en ai fait des friperies, plusieurs, mais c'est vraiment un brainstorm là, continuel. J'écris, cet objet-là, je l'aime, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Avec quel autre objet je pourrais les mettre en relation ou pas? La fonction, je pense beaucoup aussi à quoi qu'ils servent. Je pense, c'est ça, aux contradictions aussi. Tu sais, la poésie naît souvent de tensions, de contradictions. Mm-hmm. Donc, je pense beaucoup à ça. Oui, je pense que c'est assez aléatoire, en fait. Mm-hmm. C'est assez aléatoire. Puis il y a beaucoup d'humour aussi, je pense. Quand on fait un survol de ton site web, on regarde les œuvres que tu as faites, quand même un certain penchant pour, la poésie, mais un brin d'humour, là, certainement. Oui, tout à fait. J'aime ça. J'aime le ludique, le côté ludique de mes projets. J'essaie de mettre ça en valeur, oui. Mais oui, la poésie, le ludique, j'adore, oui. Et donc, on le disait, on perd nos repères dans cette installation-là. Pour les habitués du lieu, certainement, vous ne le reconnaîtrez pas. Puis il y a une très belle pièce, ça culmine, si on peut dire, vers la fin, vers quelque chose aussi, un aspect sonore. Est-ce que c'est mm-hmm. quelque chose que tu as souvent exploité dans ton travail, le côté sonore? Je pense qu'en fait, c'est la première fois. Puis c'est un peu, c'est arrivé par hasard. Mm-hmm. C'est l'objet que... quand j'ai pensé à cet objet-là, je me suis dit, ah oui, quand j'ai compris que ça allait faire du son comme ça, je me suis dit, OK, oui, là, ça rajoute une couche de plus. OK, là, je le fais. Mm-hmm. Mais oui, c'était important que ça fonctionne pour moi, cet effet sonore-là. Tout à fait. Mais c'est la première fois que j'utilise le son comme ça. Puis est-ce que je vais continuer dans cette lignée-là? J'en ai aucune idée, mais je trouve ça intéressant parce que, encore là, c'est perçu de différentes façons. Moi, mon objectif, c'était quand même de créer quelque chose d'oppressant, mais comme on disait, ça peut... on se ferme les yeux, puis on peut être complètement ailleurs, dans un chalet dans la forêt. Oui. Puis ça, moi, ça m'évoquait un peu Alice au Pays des Merveilles, oui. Un peu certains, plusieurs aspects, oui. Là, m'évoquaient ça, que ce soit par les portes qu'on trouve, mm-hmm. ou les objets sonores que vous pourrez découvrir aussi dans l'installation. Donc, c'est vraiment, vraiment une installation qui est à découvrir. Oui, aller au vernissage, mais revenez. Également mm-hmm. aussi, hein, parce que je pense que ça va être le fun de le vivre par soi-même. Puis, comme on se le disait ce matin, c'est important, la curiosité, des fois, quand on est adulte, oui. ça disparaît, ou du moins, on est moins curieux qu'avec les enfants. Donc, si des fois, vous y allez avec des enfants, moi, je pense que ça serait une belle opportunité, justement, de nous amener à la découvrir peut-être sous un autre jour, qui sait, oui, ou oui. avec d'autres yeux, je oui. pense aussi. Oui, oui, oui. Mm-hmm. Eh bien, on va le rappeler aux gens aussi, le vernissage a lieu ce vendredi à 19h, donc on pourra aller découvrir ça. Mm-hmm. On veut pas vous gâcher la surprise, c'est pour ça qu'on vous en dit pas autant, mais quand même, un projet, je pense, qui va vraiment valoir le détour à aller découvrir. Et sinon, Patrick, tu voulais nous glisser un petit mot? Je pourrais te mentionner une autre chose. Vas-y, vas-y. Pardon. Le 1er octobre, dans le cadre des Journées de la Culture, bien sûr. Bon, de midi à 17h, Gabrielle va être sur place pour faire des visites guidées. Donc, tu parlais de famille, tout ça. Oui. Si ça peut être un moment pour les familles de venir passer au lieu un après-midi ou le temps d'une tournée de la galerie avec, dans le fond, sa propre critique ou en tout cas ses idées, le développement de ton projet, tout ça. Donc, ça va être fort intéressant pour les gens qui veulent en savoir plus aussi. Et c'est la dernière journée d'exposition en plus, donc ça va être un beau moment. Oui, oui. Certainement. Puis peut-être, là, j'ai une petite idée qui me passe par la tête, mais moi, c'est ça m'a évoqué certains projets qui ont déjà eu cours au lieu, qu'on pense à Biodame avec Jean-Jules Soucy, où justement, dans le documentaire qu'il y a de l'ONF, on le voit arriver, puis il fait une visite commentée avec un groupe de jeunes enfants. C'est quand même assez rigolo. L'humour était encore une fois très présent, mais il avait vraiment créé toute une sorte d'Amazon dans le lieu, où on pense à BGL aussi, qui avait reconfiguré l'espace du lieu. Bref, on est dans une idée, justement, un prolongement, je trouve, de ces œuvres qui ont été présentées au lieu, mais il y a longtemps, donc comme une tradition presque. Mm-hmm. Et Patrick, donc, on voulait quand même prendre un petit moment pour glisser quelques mots sur la programmation du lieu, parce qu'on a à la fois des workshops, de la performance, bien sûr, aussi, hein, qui est comme le créneau, si on peut dire, phare de ce centre, le lieu. Hein. Exact. Donc, dès le 8 septembre, on commence avec la talentueuse Gabrielle Boucher, bien sûr. Ça va être jusqu'au 1er octobre. Par la suite, le 6, 7, 8 octobre, c'est un atelier de performance, mm-hmm. qu'on appelle communément workshop, mm-hmm. Avec Richard Martel. Ensuite, le 13 octobre au 5 novembre, ça va être Sébastien Cliché, un artiste de Montréal, multidisciplinaire, qui fait de l'installation, de la photo, oui. des œuvres textuelles, sonores et vidéo. Je me rappelle qu'on avait déjà vu de ses œuvres à l'œil de poisson, notamment autant comme artiste, mais aussi comme commissaire avec l'oreille dans l'œil. J'ai regardé ça, le nom m'avait dit quelque chose. Là, à Manif d'Or 4, oui, ça fait déjà un petit bout. Ensuite, immédiatement après, donc le 10, 11, 12 novembre, Li Ping Ting, une artiste taïwanaise, mm-hmm. mais qui reste à Paris maintenant, va donner aussi un atelier de performance. Donc, les gens, s'ils sont intéressés, ils peuvent aller sur notre site web interlelieu.org, inter-lelieu.org, pour les inscriptions. Il y a toutes les informations, qui contacter, comment ça fonctionne. Ça vaut vraiment la peine si on est intéressé par l'art performance, mm-hmm. qui est une discipline qui est un peu plus, à côté de la traque, comme on veut dire, que la peinture ou la sculpture. Donc, si vous êtes intéressé à découvrir ça, c'est ouvert à tous. Et il y a un maximum de 12 personnes pour les ateliers. Donc, c'est quand même... C'est le maximum qu'on peut aller. Puis plus bas, c'est un peu plus moins le fun. Donc, oui. Ce serait le chiffre parfait. Mm-hmm. Donc, par la suite, c'est nouveau au lieu. C'est à partir du 17 novembre, Li Ping Ting demeure avec nous. Et il y a une résidence d'artistes. Donc, elle va avoir du 17 novembre au 10 décembre une résidence. Donc, on fait le opening le 17 novembre. Et ça donne... ça va être un méga happening parce que c'est les 35 ans du lieu. Donc, ça va faire déjà 35 ans que le lieu existe. Oui. Et on a instauré cette date-là car la première exposition qui est apparue au lieu, ça a été en 1980. Le 17 novembre, et c'était Yves Tremblay. Donc, en tout cas, sur notre Facebook, notre site web, on va remémorer des actualités, genre, dans l'histoire du lieu. Donc, Liping va faire un vernissage où elle va nous présenter qu'est-ce qu'elle envisage faire, comment elle veut évoluer ça, est-ce que ça va être une performance à tous les jours à telle heure au lieu. Bref, ça va être vraiment intéressant. Et à la fin, bien sûr, le 10 décembre, c'est le finissage et on va avoir quand même un regard plus grand de ce qu'elle a fait pendant ce mois-là. Et se termine le 14 et 15 décembre, deux soirées de performance avec Richard Martel et les Painting et les participants des ateliers de performance. Donc, c'est une manière de présenter leur travail. Donc, ça devient leur exposition aux gens qui ont fait les ateliers. Donc, voilà, c'est à peu près ce qu'on a. Donc, dans le fond, si les gens sont intéressés, qu'ils sont sur notre site web. Pour l'appel, on a aussi un appel de dossier pour une résidence en janvier qui s'en vient, en art performance aussi. Donc, les gens intéressés, allez sur notre site web et les inscriptions, bien sûr, des ateliers. Oui. Et puis, il faut quand même souligner parce que le lieu, il y a également aussi la revue Inter, qui, je pense que c'est trimestriel. Est-ce que c'est ça? Exact, il y a exact. Trois numéros par année. Oui. Le dernier, c'est pas Dérapage, c'est tout ça? Risque et Dérapage, qui est sorti en avril dernier. C'est ça. Avril-mai. Le prochain devrait sortir sous peu, j'imagine. Exactement, mais c'était le 1 de 2. Donc là, on arrive avec Risque et Dérapage, 2 de 2. Et un opuscule de La Fontaine de Marcel Duchamp. Donc, dans le fond, Michael Lachance a fait une chronique temporelle des 100 ans de l'urinoir. Oui. Et ça va devenir une bible. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est vraiment chronologique. Tout ce qui est marqué selon l'œuvre. Et ça va être un petit opuscule qui va être aussi dans la revue. Donc, il va avoir aussi un petit dossier, les 100 ans du chant. Donc, à partir de ça, ça va faire un excellent numéro. Les gens qui sont intéressés sont en vente, bien sûr, au lieu. Au lieu, mais aussi dans plusieurs points de vente, un peu au travers en de la kiosque, ville. Les kiosques, justement, où on peut trouver les nombreuses tabagies, là, justement, avec exactement. Les revues. Mais en fait, c'est toujours intéressant de lire cette revue, donc, pour les amateurs aussi de Duchamp. Ce sera une belle occasion de se procurer ce numéro. Dans le fond, la revue est francophone et est distribuée dans la francophonie internationale. Oui. Donc, si vous êtes parisien, vous la trouvez. Et si vous en Afrique. Vous la trouvez aussi. Certainement. Eh bien, je vous remercie beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cette exposition qui, on le rappelle, va être inaugurée donc ce vendredi à 19h au lieu. Et merci, Patrick, de nous avoir fait quand même un beau survol de la programmation à venir. Donc, on vous souhaite une très belle exposition, bien sûr, un très beau vernissage et une très belle saison aussi pour le lieu. Merci. Alors, nous, on s'en va en pause audio, toujours avec Raj, et on va, après ça, justement, faire un survol de la rentrée artistique. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale en compagnie de Audrey Caro et on fait justement un petit survol de la programmation automnale, hein, parce que comme je vous le disais d'entrée de jeu, en début d'émission, eh bien, on a vraiment beaucoup de choses qui sont inaugurées cette semaine. Il y a du mouvement, hein, on le sent que c'est l'effervescence avec le retour de l'automne, bien sûr. Donc, on va faire un petit tour de ce qui est inauguré cette semaine, donc dès jeudi, justement. Ici, on va commencer par Folie Culture qui nous présente une série d'interventions dans l'espace public intitulée « Le bureau de la poste ». Poste étant le thème de la programmation 2017-2018 de Folie Culture. Donc, c'est trois performances, trois interventions plutôt, qui auront lieu dans les semaines qui vont suivre. Donc, on commence cette semaine les 7 et 8 septembre dans le Jardin Saint-Roch. Julie Lorrain donc va investir une structure qui est installée dans le Jardin Saint-Roch où pendant ces deux jours-là, les artistes vont utiliser le potentiel de circulation de l'endroit où ils vont être installés, où ils vont s'installer pour réaliser un projet qui est en relation avec les citoyens du quartier. Donc, on va échanger, faire des productions à la chaîne, création collective. Bref, on donne carte blanche aux artistes et donc, si vous avez envie de participer, bien sûr, vous êtes bien sûr invité à le faire au Jardin Saint-Roch et c'est donc les 7 et 8 septembre entre 11h et 18h. Il va y avoir un finissage donc le 8 septembre dès 17h. Donc, ça va être une belle occasion justement d'entrer en contact avec ces artistes-là. On vous fera mention, il y a Victoria Stanton et Alexandre Bérubé qui vont suivre les semaines suivantes dans des lieux différents, le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste et le parvis de l'église Saint-Roch. Mais ne vous inquiétez pas, je referai un rappel. Après ça, bien sûr, Méduse, bien sûr, cette grande coopérative que l'on retrouve dans la côte d'Abraham, ouvre tout en cœur les différents espaces et centres de diffusion qui s'y trouvent, vont ouvrir tous ensemble ce vendredi 8 septembre à compter de 18h. Donc, je vous fais un petit survol de ce qui se passe comme activité. Il va y avoir les ateliers de la mezzanine qui présentent une exposition collective de ses membres intitulée Bleu, donc qui est l'atelier de la mezzanine, qui est spécialisé donc pour une vocation, si on peut dire, plus communautaire qui amène des gens atteints de santé mentale à créer, bien sûr, avoir un espace pour créer des œuvres d'art. Donc, on va pouvoir découvrir ça, ce travail collectif présenté donc à l'atelier de la mezzanine. Sinon, au deuxième étage, on retrouve l'œil de poisson, donc qui nous présente cette année en ouverture une exposition collective commissariée, donc qui s'intitule Achromatopsie, donc avec des œuvres de Sylvain Boutillette, Estelle Évrard, Ezio Puglia, Anne Valérie Gasque, Marie-André Godin, Hugo Nadeau et Jean-Charles Rémicourt-Marie. C'est une exposition qui va traiter, bien sûr, de sujets d'actualité, à vrai dire, une exposition à saveur politique, sociale et économique, donc, qui va réunir des œuvres d'artistes qui sont à la fois nord-américains, mais aussi européens. Donc, une exposition qu'on dit qui va contrecarrer aussi l'effet cube blanc des salles, de l'œil de poisson, donc, à découvrir. Sinon, il faut aussi souligner la bande vidéo qui célèbre cette année son 40e anniversaire, une programmation toute spéciale, justement, et c'est ce vendredi, donc, qu'on va lancer la programmation spéciale à compter de 17 ans, mais aussi il y aura une nouvelle identité visuelle. Et il y a plusieurs événements qui vont avoir lieu au cours de cette soirée. Premièrement, on va avoir le vernissage de phase 1, objet matière de Mélanie Bédard dans la vitrine de la galerie de Manif d'Art, dans la côte d'Abraham. Donc, On va découvrir ça avec elle, mais aussi il va y avoir une exposition, bien sûr, dans la galerie même de la bande vidéo, donc Géométrie de Jocelyne Alloucherie, donc qui va nous présenter un récit fictif, le soliloque d'un promeneur solitaire qui raconte ses pérégrinations quotidiennes dans certains jardins publics. On va découvrir ça aussi. Et également, il y aura une performance en lien avec Avatar, donc au studio d'Avatar à 19h, une performance de Thierry Guibert et Martin Tétrault, donc où un voyage, où ils vont nous proposer un voyage sonore et audiovisuel autour du disque vinyle. Donc vraiment pour les amateurs de vinyle, ça sera vraiment l'occasion d'aller découvrir cette performance, donc Chaosmose, que ça s'intitule, donc à 19h. Et on a également aussi à Engram, il y aura une exposition de Andréane Dupuis-Bourret intitulée La machine paysage, dont on aura le plaisir de discuter le 26 septembre avec notre chroniqueuse Héloïse Plamondon-Pagé, une exposition tout en papier, bien sûr, mais une installation évolutive dans l'espace. Et il ne faut pas oublier aussi, chez VU, il y a deux expositions, donc Espace périphérique de Katia Gosselin et Trauma de John von Kuberta, donc dans l'espace américain, bien sûr, VU, dédié à la photographie contemporaine. Mais on aura le plaisir de revenir sur ces expositions la semaine prochaine avec nos chroniqueurs, justement, pour en parler plus en profondeur. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une soirée festive, un party finalement, qui va se prolonger jusqu'aux petites heures du matin. Alors, attelez-vous du côté de Méduse, c'est la fête. Sinon, Galerie 3 aussi, on a le vernissage de Julien Boilly à 17h30 ce vendredi, bien sûr. Julien Boilly, qui est un artiste du Saguenay, à vrai dire, qu'on va découvrir son travail, donc des peintures, sérigraphies et sculptures qui vont jeter un regard à la fois perçant et léché sur l'obsolescence programmée. Et ça, je sais que ça intéressait beaucoup nos chroniqueurs. On va avoir l'occasion de vous en parler. Donc, ça permet de faire un petit circuit cette journée-là. Là, vous pouvez passer à la Galerie 3, vous diriger vers Méduse, aller vers le lieu aussi également. Il ne faut pas oublier Gabriel Boucher qui va vous attendre aussi. Il y a Materia également qui présente Compassion de Paula Murray, une céramiste d'expérience où on va justement découvrir, elle allie l'argile à la condition humaine, ce qui m'apparaît être vraiment une exposition très touchante et qui va mettre aussi tester les limites de l'endurance et de la résilience de la forme à découvrir. Et voilà. C'est pas mal le tour qu'on peut faire ici pour les ouvertures cette semaine. Donc, vraiment un gros vendredi soir. Eh bien, c'est déjà tout pour nous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à visiter notre page web, l'aérospatiale ckrl.wordpress.com. Vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre site ou sur le site de CKRL également. Un grand merci à nos invités, Andréane Gagnon, Julie Picard, Gabriel Boucher et Patrick Dubé. La mise en onde de cette émission est assurée par notre grand Manitou de la console, Jacques Gignac. Merci beaucoup d'être encore avec nous en cette nouvelle saison. La semaine prochaine, on discute de l'inauguration à la place Jean Béliveau de l'œuvre monumentale La rencontre du duo Cook-Sasseville, et nos chroniqueurs, comme je vous disais, vont faire un retour sur l'exposition de la rentée qui ont été présentées à la coopérative Méduse. Voilà, je vous invite à demeurer à l'écoute parce que de l'autre côté, Pierre Blais et son équipe vous attendent pour discuter cinéma à l'émission Situation critique qui est cette année en direct de la Ninkasi. Je leur cède le micro. Merci à tous et on se dit à mardi prochain. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL 89.1. Arcade Fire et la tournée Infinite Content. Ce mardi, 19h30, au Centre Vidéotron. Un concert unique à ne pas manquer. Billets sur gestev.com ou ticketmaster.ca.